Allô, Tony? Tu vas bien? Demain soir à choucroute, j'espère que tu viens. Allô, Mathieu? Je ne serai pas là demain. Je serai loin. Dans un monde sans pétrole. Dans un monde où la moutarde n'est pas taxée à 75%. Allô, Tony? Et la vie, ne serait-elle pas plus belle? Prends-moi avec toi, je paye mes impôts. Allô, Mathieu? Mais tu n'as pas payé ta taxe d'habitation à taux plein. Connais-tu Monsieur Philippin? Il vivait sous une tente. Allô, Tony? Et la taxe d'habitation à Toto achète des suppôts pour sa grand-mère? Monsieur Philippine, celui qui joue dans Des chips pour tout le monde? Allô, Mathieu? Oui, lui-même. Nous n'avons plus de nouvelles depuis l'hiver passé. C'était en automne. Toujours est-il qu'il a payé ses impôts. Allô, Tony? Parles-tu des impôts au feu ou des impôts de chambre? Il me semble que Philippone vit chez notre tante, qui est ta sœur. Allô, Mathieu? Peu importe mon parcours familial, j'ai su manger le bureau. Je m'en vais, Mathieu. Et n'oublie pas que mon père a toujours payé ses impôts. Allô, Tony? Je raccroche, Tony. Au revoir, Tony.